Ce panneau indique l'entrée sur une route pour automobile. L'accès est interdit aux piétons, aux vélos et aux cyclomoteurs. Mais les motocyclettes peuvent l'emprunter.